À une rose, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. À une rose. Fleur mignonne et suave, avec amour cueillie le matin du départ sur le bord du chemin, et que j'ai tant baisée, à l'heure où de ma main tu passas sans regret dans sa main si jolie. Depuis longtemps déjà tu dois être fanée, et tu n'embaumes plus de ton parfum si doux. Au moins dans ses cheveux, malgré les yeux jaloux, pauvrette, as-tu vécu ta dernière journée. Lui parlais-tu de moi? Disais-tu que ma bouche te laissait en dépôt son plus tendre baiser, tout l'amour dont mon cœur se sentait embrasé? Peut-être quelquefois rêveuse, elle te touche. Mais sans doute on t'oublie en m'oubliant moi-même. Pourtant, si l'on te garde en souvenir de moi, si peu qu'il reste encore de poussière de toi, ô poussière, dis-lui bien que je l'aime. Fin de À une rose, lu par Ezois, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.